Chapitre 4 L'histoire de la vieille Marie bonne d'enfant. Vous savez, mes chers amis, que votre mère était orpheline et fille unique. Vous n'ignorez pas non plus, j'en suis bien sûr, que votre grand-père était ministre de l'Évangile dans le Westmoreland, d'où je viens moi-même. J'étais encore une petite fille à l'école du village, quand un jour votre grand-mère entra pour demander à la maîtresse si elle pouvait lui recommander une de ses écolières pour bonnes enfants. Je fus bien fier, je peux vous le dire, quand la maîtresse m'appela et parla de moi comme d'une honnête fille, habile aux travaux d'aiguille, d'un caractère posé, dont les parents étaient respectables, quoique pauvres. Je pensais tout de suite que je ne pourrais jamais rien faire de mieux que de servir cette jeune et jolie dame. Elle rougissait autant que moi en parlant de l'enfant qui allait venir et dont je serais la bonne. Mais cette première partie de mon histoire, je le sais bien, vous intéresse beaucoup moins que celle que vous attendez. Je vous dirai donc tout de suite que je fus engagé et installé au presbytère avant la naissance de Miss Rosemond. C'était l'enfant attendu, et c'est aujourd'hui votre mère. J'avais en vérité bien peu de choses à faire avec elle quand elle vint au monde, car elle ne sortait jamais les bras de sa mère, ne dormait toute la nuit près d'elle. Aussi étais-je toute fière quand ma maîtresse me la confiait quelquefois à un moment. Jamais il n'y eut un pareil enfant, ni avant ce temps-là, ni depuis, ni quoi que vous ayez tous été d'assez beaux poupons, chacun à votre tour, mais pour les manières douces et engageantes, aucun de vous n'a jamais égalé votre mère. Elle tenait cela de sa mère à elle, qui était par sa naissance une grande dame, une Miss Furnival, petite fille de Lord Furnival dans le Northumberland. Je crois qu'elle n'avait ni frère ni sœur, et qu'elle avait été élevée dans la famille de Milord jusqu'à son mariage avec votre grand-père qui venait d'obtenir une cure. C'était le fils d'un marchand de Carlisle, mais un homme savant et accompli toujours à l'œuvre dans sa paroisse très vaste et toute dispersée sur les fells du Westmoreland. Votre mère, la petite Miss Rosemond, avait environ 4 ou 5 ans lorsque ses pères et mères moururent dans la même quinzaine l'un après l'autre. Oh, ce fut un triste temps. Ma jeune maîtresse et moi, nous attendions un autre poupon quand mon maître revint à la maison après une de ses longues courses à cheval. Trempé de pluie et harassé, il avait attrapé la fièvre dont il mourut. Votre mère, depuis lors, ne releva plus la tête. Elle ne lui survécut que pour voir son second enfant, qui mourut peu d'instants après sa naissance, et qu'elle tint un instant sur son sein avant de rendre elle-même le dernier soupir. Ma maîtresse m'avait prié sur son lit de mort de ne jamais quitter Rosemond. Mais elle ne m'aurait point dit un mot que j'aurais pas moins suivi cette chère petite au bout du monde. Nous avions à peine eu le temps d'étouffer nos sanglots lorsque les tuteurs et les exécuteurs testamentaires vinrent pour le règlement de l'héritage. C'était le propre cousin de ma pauvre jeune maîtresse, Lord Furnival, et M. Heathwaite, le frère de mon maître, marchand de Manchester. Il n'était pas alors dans d'aussi bonnes conditions qu'aujourd'hui, il avait une grande famille à élever. Je ne sais s'ils réglèrent les choses ainsi de même, si ce fut par suite d'une lettre que ma maîtresse avait écrite de son lit de mort à son cousin, Milord Furnival. Mais on décida que nous partirions, Miss Rodemond et moi, pour le manoir de Furnival, le Northumberland. D'après ce que Milord semblait dire, le désir de ma maîtresse était que l'enfant vécût dans sa famille, et il n'avait pas, quant à lui, d'objection à faire à cela, une ou deux personnes de plus, ne signifiant rien dans une si grande maison. Ce n'était pas là, certes, la manière dont j'aurais voulu voir envisager l'arrivée de ma belle et charmante petite, qui ne pouvait manquer d'animer comme un rayon de soleil toutes les familles, même les plus grandes. Mais je n'en fus pas moins satisfait de voir tous les gens de la vallée ouvrir de grands yeux étonnés quand ils apprirent que j'allais être la bonne de la petite lady chez Lord Furnival dans le manoir de Furnival. Je me trompais cependant en croyant que nous allions habiter avec le Milord. Il paraît que sa famille avait quitté le manoir de Furnival depuis 50 ans et même plus. Jamais, en effet, je n'avais entendu dire que ma pauvre jeune maîtresse l'eût habité, quoiqu'elle eût été élevée dans sa famille. Cela me contraria, car j'aurais voulu que la jeunesse de Miss Rosemonde se passât où s'était passée celle de sa mère. Le valet de chambre de Milord, auquel j'adressais le plus de questions que j'osais, me dit que le manoir de Furnival était situé au pied des Fells du Cumberland et que c'était un très vaste domaine. Une Miss Furnival, grande tante de Milord, l'habitait seule avec un petit nombre de serviteurs. L'air y était sain. Milord avait pensé que Miss Rosemonde y serait très bien pendant quelques années et que sa présence pourrait aussi amuser sa vieille tante. Milord m'ordonna donc de tenir prêt pour un certain jour tous les effets de Miss Rosemonde. C'était un homme fin et impérieux, comme le sont à ce qu'on assure tous les Lord Furnivals. Il ne disait jamais un mot de trop. On prétendait qu'il avait aimé ma pauvre jeune maîtresse, mais comme elle savait que le père de Milord ne considérait pas à ce mariage, elle n'avait jamais voulu l'écouter, elle avait épousé M. Hithwaite. Je ne sais pas ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Milord ne s'occupa jamais beaucoup de Miss Rosemonde. Ce qu'il eût fait s'il avait gardé un profond souvenir de sa mère morte. Il envoya son valet de chambre avec nous au manoir, en lui ordonnant de le rejoindre le soir même à Newcastle, en sorte qu'il n'eût guère le temps de nous faire connaître à tant de personnes étrangères avant de nous quitter. Nous voilà donc abandonnés, deux véritables enfants, je n'avais que 18 ans, dans l'immense manoir. Il me semble que c'était hier. Nous avions quitté de grand matin notre cher presbytère et nous avions pleuré toutes les deux à cœur fendre. Nous voyagions pourtant dans le carrosse de Milord, dont je n'ai fait autrefois une si grande idée. L'après-midi d'un jour de septembre était fort avancé lorsque nous nous arrêtâmes pour changer une dernière fois de chevaux dans une petite ville enfumée toute remplie de charbonniers et de mineurs. Miss Rosemonde s'était endormie, mais M. Henry me dit de la réveiller pour lui faire voir le parc et le manoir dont nous approchions. Je pensais que c'était grand dommage de réveiller un enfant dormant si bien, mais je fis ce qu'il m'ordonnait de peur qu'il ne se plaignît de moi à Milord. Nous avions laissé derrière nous toute trace de ville et même des villages, et nous étions maintenant en dehors des portes d'un grand parc d'un aspect sauvage, ne ressemblant pas du tout au parc du sud de l'Angleterre, mais rempli de rochers, d'eau torrentueuse, d'aubépines aux troncs noueux, et de vieux chênes tout blancs et dépouillés de leur écorce par la vieillesse. Le chemin montait à travers l'immense parc pendant 2 milles environ. On arrivait alors devant un vaste et majestueux édifice, entouré de beaucoup d'arbres, si rapprochés qu'en certains endroits leurs branches se heurtaient contre les murs quand le vent soufflait. Quelques-unes étaient brisées et pendantes, car personne ne semblait prendre soin de les émonder et les entretenir. La route couverte de mousse. Seulement devant la façade, tout était bien entretenu. On ne voyait pas une mauvaise herbe dans le grand ovale destiné autrefois à la circulation des voitures, et on ne laissait croître aucun arbre, aucune plante grimpante contre cette longue façade aux nombreuses croisées. De chaque côté se projetait une aile formant l'extrémité d'autres façades latérales, car cette demeure désolée était plus vaste encore que je ne m'y attendais. Derrière s'élevaient les fels, qu'ils semblaient assez nus et sans clôture, et à gauche du manoir, vu de face, il y existait, comme je m'en aperçus plus tard, un petit parterre à la vieille mode. Une porte de la façade occidentale ouvrait sur ce parterre, taillée sans doute dans l'épaisse et sombre masse de verdure par quelque ancienne Lady Furnival, mais les branches des arbres de la forêt étaient repoussées et lui masquaient de nouveau le soleil en toute saison. Aussi, bien peu de fleurs trouvaient-elles moyen d'y vivre. Cependant, le carrosse s'arrêta devant la porte de la principale façade et on nous fit entrer dans la grande salle. Je crus que nous étions perdus tant elle était vaste et spacieuse. Un lustre de bronze suspendu au milieu de la voûte fut un objet d'étonnement et d'admiration pour moi, qui n'en avais jamais vu. À l'extrémité de la suite s'élevait une ancienne cheminée, aussi haute que les murs des maisons dans mon pays, avec d'énormes chenets pour tenir le bois. Et près de la cheminée s'étendaient de larges sofas de forme antique. À l'extrémité opposée de la salle à gauche, en entrant et du côté de l'ouest, on voyait un orgue scellé dans le mur, et si grand qu'il remplissait la majeure partie de cette extrémité. Au-delà du même côté, il y avait une porte, et à l'opposite de chaque côté de la cheminée, se trouvaient d'autres portes conduisant à la façade orientale. Mais comme je ne traversais jamais ces portes durant mon séjour au manoir des Furnival, je ne puis dire ce qu'il y avait au-delà. L'après-midi touchait à sa fin, et la salle où il n'y avait pas de feu semblait sombre et lugubre. On ne nous y fit pas rester un seul instant. Le vieux serviteur qui nous avait ouvert s'inclina devant M. Henri, puis il nous conduisit par la porte située à l'autre extrémité du grand orgue, à travers plusieurs salles plus petites et plusieurs corridors, dans le salon occidental où se tenait Miss Furnival. La pauvre petite Rosemonde se serrait contre moi, comme épouvantée et perdue dans un si grand édifice. Je ne me sentais pas beaucoup plus à l'aise. Le salon occidental avait un aspect beaucoup plus agréable. On y faisait bon feu, il était garni de meubles commodes. Miss Furnival pouvait être âgée de 80 ans environ, mais je ne l'affirmerais pas. Elle était grande et maigre, et son visage était plissé de rides aussi fines que si on les avait tracées avec la pointe d'une aiguille. Ses yeux semblaient très vigilants pour compenser, je suppose, la surdité profonde qui l'obligeait à se servir d'un cornet acoustique. À côté d'elle, et travaillant au même grand ouvrage de tapisserie, se tenait assise Mistress Stark, sa femme de chambre et sa dame de compagnie, presque aussi vieille. Mrs. Stark vivait avec Miss Furnival depuis leur jeunesse à toutes les deux, et elle était plutôt considérée comme son amie que comme sa servante. Elle paraissait aussi froide, aussi impassible qu'une statue de pierre. Jamais elle n'avait rien aimé. Je ne pense pas non plus qu'à l'exception de sa maîtresse, elle s'inquiétât de quelqu'un au monde. Mais cette dernière étant sourde, elle la traitait à peu de choses près comme une enfant. Après avoir délivré le message de Milord, M. Henri prit congé de nous tous en s'inclinant respectueusement sans prendre garde à la mignonne que lui tendait ma chère petite Rosemonde. Il nous laissa debout au milieu de la salle où les deux dames nous regardaient à loisir à travers leurs lunettes. Ce fut une grande satisfaction pour moi quand, ayant sonné le vieux valet qui nous avait introduites, elles lui dirent de nous mener dans nos chambres. Il nous fit donc sortir de ce grand salon, entrer dans une autre pièce, sortir encore de celle-ci, montrer un grand escalier et suivre une large galerie qui devait être une bibliothèque, car tout un côté était rempli de livres, l'autre de tables à écrire entre les croisées. Enfin, nous arrivâmes dans nos chambres. Je ne fus pas fâché de savoir qu'elles étaient situées au-dessus des cuisines, car je commençais à craindre de me perdre dans ce désert de maison. Il y avait d'abord la vieille chambre, où tous les petits lords et toutes les petites ladies avaient été élevés pendant bien des années. Un feu joyeux brûlait dans la grille, la bouilloire chantait déjà, et tout ce qui est nécessaire pour prendre le thé était rangé sur la table. De cette chambre, on passait dans le dortoir d'enfants, où on avait placé un petit lit pour Miss Rosemonde, tout près du mien. Le vieux James appela sa femme Dorothée pour nous faire les honneurs de la maison, et tous les deux se montrèrent si hospitaliers, si prévenants, qu'insensiblement Miss Rosemonde et moi, nous nous trouvâmes tout à fait chez nous. Après le thé, ma chère petite s'assit sur les genoux de Dorothée, babillant aussi vite que sa petite langue pouvait aller. Je sus bientôt que Dorothée était du Westmoreland, ce qui acheva de nous lier. Souhaiter de rencontrer de meilleurs gens que James et sa femme, ce serait bien difficile. James avait passé presque toute sa vie dans la famille de Milord. Il ne croyait pas qu'il y eût nulle part d'aussi grand personnage, et il regardait un peu sa femme du haut de sa grandeur, parce que, avant de se marier avec lui, elle avait toujours vécu dans une ferme. À cela près, il l'aimait beaucoup. Ils avaient sous leurs ordres, pour faire le gros de l'ouvrage, une servante nommée Agnès. Elle et moi, James et Dorothée, Miss Farnival et Mistress Stark, nous composions toute la maison, sans oublier ma chère petite Rosemonde. Je me demandais parfois comment on avait pu faire avant son arrivée, tant on en faisait cas maintenant. À la cuisine et au salon, c'était la même chose. La sévère, la triste Miss Farnival et la froide Mistress Stark paraissaient également charmées lorsqu'elle la voyait voltiger comme un oiseau, jouant et sautillant, avec son bourdonnement continuel et son joli babille. Plus d'une fois, j'en suis certaine, il leur faisait peine de la voir s'en aller dans la cuisine, quoique trop fière pour lui demander de rester avec elle, et un peu surprise de cette préférence. Cependant, comme disait Mistress Stark, il n'y avait là rien d'étonnant, si on se rappelait d'où son père était venu. L'antique et précieux manoir était un fameux endroit pour ma petite Miss Rosemonde. Elle y faisait des expéditions de tous côtés, m'ayant toujours sur ses talons et de tous côtés, à l'exception pourtant de l'aile orientale qu'on n'ouvrait jamais et où nous n'avions jamais eu l'idée d'aller. Mais dans la partie occidentale et septentrionale, il y avait beaucoup de belles chambres pleines de choses qui étaient des curiosités pour nous, sans l'être peut-être pour des gens qui avaient vu plus curieux encore. Les fenêtres étaient obscurcies par les rameaux agités des arbres et le lierre qui les recouvrait. Mais dans ce demi-jour vert, nous distinguions très bien les vieux vases en porcelaine de Chine, les boîtes d'ivoire sculptées, les grands livres et surtout les vieux tableaux. Un jour, je m'en souviens, ma mignonne força le rôté à venir avec nous pour nous expliquer les portraits. C'étaient tous des portraits de membres de la famille, mais Dorothée ne savait pas bien les noms. Après avoir visité la plupart des chambres, nous arrivâmes dans le vieux salon de réception au-dessus de la grande salle. Il y avait là un portrait de Miss Furnival, ou comme on l'appelait dans ce temps-là, Miss Grace, car elle était la sœur cadette. Vous savez, dû être une beauté. Mais quel regard fixe et fier, quel dédain dans ses beaux yeux. Leurs sourcils même semblaient se relever, comme si elle s'étonnait qu'on eût l'impertinence de la regarder. Et sa lèvre se plissait. Elle avait un costume dont je n'avais jamais vu le pareil, mais c'était la mode dans ce temps-là, disait Dorothée. Son chapeau, d'une espèce de castor blanc, était un peu relevé au-dessus du front et orné d'une magnifique plume qui en faisait le tour. Sa robe de satin blanc laissait voir un corsage blanc richement brodé. Assurément, me dis-je, après avoir bien regardé ce portrait, la créature de Dieu se fane comme l'herbe, ainsi qu'il est écrit, mais qui croirait jamais avoir Miss Furnival, qu'elle a pu être une beauté si remarquable. Oui, dit Dorothée, les choses en changent bien tristement. Mais si ce que le père de mon maître a l'habitude de dire est vrai, Miss Furnival, la sœur aînée, était plus belle encore que Miss Grace. Son portrait est ici quelque part, mais si je vous le montre, il ne faut jamais le dire, même à James, que vous l'avez vu. Croyez-vous que la petite fille puisse garder le secret? Ajouta-t-elle. Je n'en étais pas certaine, car jamais il n'y eut d'enfant si vive, si hardie et si franche. J'aimais mieux lui dire de se cacher, lui promettant de chercher après elle. Alors j'aidai Dorothée à retourner au grand tableau appuyé contre le mur, au lieu d'être suspendu comme les autres. Ce portrait l'emportait encore en beauté sur Miss Grace, comme pour l'air altier et dédaigneux, mais sous ce dernier rapport, il était difficile de choisir. Je l'aurais regardé pendant 1 heure, si Dorothée, tout effrayée de me l'avoir montré, ne se fût hâtée de le remettre en place, en me conseillant d'aller tout de suite à la recherche de Miss Rosemonde. Car il y avait, disait-elle, dans la maison de vilaines places où elle ne voudrait pas voir l'enfant aller. J'étais une fille courageuse. Je m'inquiétais peu de ce que disait la vieille femme, car j'aimais à jouer à cache-cache comme passe un enfant dans la paroisse. Je courus cependant chercher ma petite. L'hiver approchait et les jours devenaient de plus en plus courts. Il me semblait parfois entendre un bruit singulier, comme si quelqu'un jouait de l'orgue dans la grande salle. J'étais presque certaine de ne pas être trompée par mon oreille. Je n'entendais pas ce bruit tous les soirs, mais très souvent et d'ordinaire, quand assis près de Miss Rosemonde, après l'avoir mise au lit, je restais tranquille et silencieuse dans la chambre à coucher, c'est alors que j'entendais les sons de l'orgue résonner dans la distance. Le premier soir, quand je descendis pour souper, je demandai à Dorothée qui avait fait de la musique. Et James dit d'un ton très bref que j'étais bien simple de prendre pour de la musique les murmures du vent dans les arbres. Dorothée regarda son mari d'un air effaré et Bessie, la fille de cuisine, après avoir marmonné quelque chose, s'en alla toute pâle. Voyant bien que ma question ne leur plaisait pas, je pris le parti de me taire, en attendant d'être seul avec Dorothée, dont je pourrais tirer bien des choses. Le lendemain, j'épiais donc le moment favorable, et après l'avoir amadoué, je lui demandai qui jouait de l'orgue. Car si je m'étais tu devant James, je savais très bien que je n'avais pas pris le bruit du vent pour de la musique. Mais James avait fait la leçon à Dorothée, dont je ne pus arracher un mot. J'essayai alors de Bessie, que j'avais toujours tenu un peu à distance, car j'étais sur un pied d'égalité avec James et Dorothée, dont elle n'était guère que la servante. Elle me fit bien promettre de n'en jamais rien dire à personne, et si jamais je le disais, de ne jamais dire que c'était elle qui me l'avait dit. Mais c'était un bruit bien étrange, et bien des fois elle l'avait entendu, surtout dans les nuits d'hiver et avant les tempêtes. On disait dans le pays que c'était le vieux lord qui jouait sur l'orgue de la grande salle, comme il aimait à en jouer de son vivant. Mais qui était le vieux lord, ou pourquoi jouait-il de préférence dans les soirées d'hiver à l'approche des tempêtes? Ben, c'est ce qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas me dire. Je vous ai dit que j'étais une fille courageuse. Eh bien, je m'amusais assez d'entendre cette grande musique résonner dans le manoir, quel que fût celui qui jouait. Tantôt, elle s'élevait au-dessus des bouffées de vent, gémissait ou semblait triompher comme une créature vivante. Tantôt, elle redevenait d'une complète douceur, mais c'était toujours de la musique et des accords. Il était ridicule d'appeler cela le vent. Je pensais d'abord que Miss Furnival jouait peut-être à l'insu de Bessie. Mais un jour que j'étais seul dans la grande salle, j'ouvris et je l'examinai bien de tous côtés, comme on m'avait fait voir celui de l'église de Grosthwaite, et je vis qu'il était tout brisé et détruit à l'intérieur, malgré sa belle apparence. Alors, quoi qu'on fût en plein midi, ma chair commença à se crisper. Je me hâtai de fermer l'orgue, et je regagnai lestement ma chambre d'enfant, où il faisait toujours si clair. À partir de ce temps, je n'aimais pas plus la musique que James et Dorothée ne l'aimaient. Dans l'intervalle, Miss Rosemond se faisait aimer de plus en plus. Les vieilles dames se faisaient une fête de l'avoir à table à leur premier dîner. James se tenait derrière la chaise de Miss Furnival et moi derrière Miss Rosemond en grande cérémonie. Après le repas, elle jouait dans un coin du grand salon, sans faire plus de bruit qu'une souris, tandis que Miss Furnival dormait et que je dînais dans la cuisine. Cependant, elle revenait volontiers à moi dans la chambre d'enfant, car Miss Furnival était si triste, disait-elle, et Mistress Stark si ennuyeuse. Nous étions au contraire assez gaies toutes les deux. Peu à peu, je ne m'inquiétais plus de cette musique étrange, si on ne savait pas d'où elle venait. Du moins, elle ne faisait de mal à personne. L'hiver fut très froid. Au milieu d'octobre, les gelées commencèrent et durèrent bien des semaines. Je me rappelle qu'un jour, à dîner, Miss Furnival, levant les yeux tristes et appesantis, dit à Miss Scartk: j'ai peur que nous n'ayons un terrible hiver. » Oh, le ton dont elle disait ces paroles semblait leur donner un sens mystérieux. Miss Stark fit semblant de ne pas entendre et parla très haut de toute autre chose. « Ma petite lady et moi, nous nous inquiétions peu de la gelée, et même pas du tout. Pourvu qu'il fît sec, nous grimpions les pentes escarpées derrière la maison. » Nous montions dans les fells qui étaient assez tristes et assez nus, et là nous faisions un saut de vitesse dans l'air frais et vif. Un jour, nous redescendîmes par un nouveau sentier qui nous mena au-delà des deux vieux Ounoueux, situés à moitié environ de la descente du côté oriental du manoir. Les jours raccourcissaient à vue d'œil, et le vieux lord, si c'était lui, jouait d'une manière de plus en plus lugubre et tempétueuse sur le grand orgue. Un dimanche après-midi, ce devait être vers la fin de novembre, je priai Dorothée de se charger de ma petite lady lorsqu'elle sortirait du salon après le somme habituel de Miss Farnival, car il faisait trop froid pour l'amener avec moi à l'église où je devais pourtant aller. Dorothée me promit de grand cœur ce que je lui demandais. Elle aimait tant l'enfant que je pouvais être tranquille. Nous nous mîmes donc en chemin sans tarder, Betsy et moi. Un ciel lourd et noir couvrait la terre blanchie par la gelée, comme si la nuit ne s'était pas complètement dissipée ce jour-là, et l'air, quoique calme, était très piquant. « Nous aurons de la neige aujourd'hui, » me dit Betsy. En effet, nous étions encore à l'église lorsque la neige commença à tomber par gros flocons et si épaisse qu'elle interceptait presque le jour des croisées. À une autre sortie de l'église, il ne neigeait plus, mais nos pieds enfonçaient dans une couche de neige douce et profonde. Avant notre arrivée au manoir, la lune se leva et je crois qu'il faisait plus clair alors avec la lune et la neige éblouissante que lorsque nous étions partis pour l'église entre 2 et 3 heures. Je ne vous ai pas encore dit que Miss Furnival et Mistress Stark n'allaient jamais à l'église. Elles avaient pris l'habitude de lire ensemble leurs prières, comme elles faisaient tout tranquillement et tristement. Le dimanche leur semblait bien long, car il les empêchait de travailler à leur grande tapisserie. Aussi, lorsque j'allais trouver Dorothée dans la cuisine pour lui redemander Rosemonde et faire monter cette chère enfant avec moi, je ne m'étonnais pas de lui entendre dire que les dames avaient dû garder la petite, car elle n'était pas venue à la cuisine comme je lui avais recommandé de le faire dès qu'elle s'ennuierait d'être sage au salon. Je me débarrassai donc de ma pelisse et de mon chapeau, et j'entrai dans le salon, où je trouvai les deux dames tranquillement assises comme à l'ordinaire, laissant tomber un mot par-ci, par-là, mais n'ayant pas du tout l'air d'avoir auprès d'elles un être aussi vif, aussi joyeux que Miss Rosemonde. Je pensais d'abord que l'enfant se cachait. C'était une de ses petites malices. Peut-être avait-elle recommandé aux deux dames de faire semblant d'ignorer où elle était. Je me mis à regarder tout doucement derrière ce sofa, derrière ce fauteuil, sous ce rideau, me donnant l'air très effrayé de ne pas la trouver. « Qu'y a-t-il donc, Esther ?» me demanda sèchement Mistress Stark. « Je ne sais si Miss Furnival m'avait vue. Alors, comme je vous l'ai dit, elle était très sourde et elle restait tranquillement assise, regardant le feu d'un air désœuvré et plein de désolation. « Je cherche ma petite Rose, » répondis-je, pensant toujours que l'enfant était là, caché, tout près de moi. « Miss Rosemonde n'est pas ici, » répondit Mistress Stark. « Elle nous a quittés il y a plus d'une heure, selon son habitude, pour aller retrouver Dorothée. » Cela dit, elle me tourna le dos pour regarder le feu comme sa maîtresse. Mon cœur commençait à battre. Combien je regrettais d'avoir quitté même pour un instant mon enfant chéri. Retourné près de Dorothée, je lui dis ce qui arrivait. James était sorti pour toute la journée, mais elle et moi, suivis de Bessie, nous prîmes des lumières, et après être montés d'abord dans les chambres d'enfants, Nous parcourûmes toute la maison, appelant Miss Rosemond, la suppliant de ne pas nous causer une peur mortelle et de sortir de sa cachette. Aucune réponse, aucun son. Mais bon Dieu, me dis-je enfin, serait-elle allée se cacher dans l'aile droite ? Cela est impossible, me répondit Dorothée. Je n'y suis jamais allé moi-même. Les portes restent constamment fermées. L'intendant de Milord en a les clés, à ce que je crois. Dans tous les cas, ni moi ni James ne les avons jamais vus. Il ne me restait donc, m'écriai-je, qu'à retourner voir si elle ne s'est pas cachée dans le salon de ces dames sans être remarquée d'elle. Oh, si je l'y trouve, je la fouetterai bien pour la frayeur qu'elle m'a donnée. Je disais cela, mais je n'avais pas la moindre intention de le faire. Me voilà rentré dans le salon occidental, où je dis à Miss Stark que, n'ayant pu trouver nulle part Miss Rosemond, je la priais de me laisser bien chercher derrière les meubles et les rideaux. Je commençais à croire que la pauvre petite avait pu se blottir dans quelque coin bien chaud et s'y laisser gagner par le sommeil. Nous regardâmes de tous côtés. Miss Furnival se leva et regarda aussi. Elle tremblait de tous ses membres. Miss Rosemond n'était bien certainement dans aucun recoin du salon. Nous voilà de nouveau en campagne, et cette fois, tout le monde dans la maison, cherchant partout où nous avions déjà cherché, mais sans rien trouver. Miss Furnival tremblait et frissonnait tellement que Mr. Stark la reconduit dans le salon, toujours bien chauffé, après m'avoir fait promettre de leur amener l'enfant dès qu'elle serait retrouvée. Miséricorde, je commençais à croire que nous ne la retrouverions pas quand je m'imaginais de regarder dans la cour de la grande façade toute couverte de neige. J'étais alors au premier étage, mais il faisait un si beau clair de lune que je distinguais très bien l'empreinte de deux petits pieds dont on pouvait suivre la trace depuis la porte de la grande salle jusqu'au coin de l'aile orientale. Je descendis comme un éclair, je ne sais comment. J'ouvris par un violent effort la roue des lourdes portes de la salle, et rejetant par-dessus ma tête la jupe de ma robe en guise de manteau, je me mis à courir. Je tournai le coin oriental, et là, une grande ombre noire couvrait la neige. Mais parvenu de nouveau sous le clair de lune, je retrouvai l'empreinte des petits pas montant vers les fels. Il faisait un froid rigoureux, si rigoureux, que l'air enlevait presque la peau de mon visage tandis que je courais. Mais je n'en courais pas moins, pleurant à la pensée de l'épouvante et du péril où devait être mon enfant chéri. J'ai été en vue des deux houes quand j'aperçus un berger qui descendait la colline et portait un objet enveloppé dans son manteau. Ce berger cria après moi et me demanda si je n'avais pas perdu un enfant. Les pleurs et le vent étouffaient ma voix. Il s'approcha de moi et je vis Miss Rosemond étendue dans ses bras, immobile, blanche et roide, comme si elle était morte. Le berger me dit qu'il était monté au fels pour rassembler son troupeau avant le froid intense de la nuit, et que dans les houes, grande marque noire sur le flanc de la colline où on ne voyait pas d'autres buissons à plusieurs milles à la ronde, il avait trouvé ma petite lady, mon agneau, ma reine, déjà roide dans le fatal sommeil que produit la gelée. Je pleurais de joie en la tenant de nouveau dans mes bras, car je ne voulais pas la laisser porter au berger. Je la pris sous mon manteau et la tins contre mon cœur. Je la réchauffais là tendrement, et je sentais la vie rentrer avec la chaleur dans ses petits membres. Mais elle était encore insensible à notre arrivée dans le manoir. Je n'avais pas moi-même assez d'haleine pour parler. J'entrais par la porte de la cuisine. Apportez vite la bassinoire, fut tout ce que je pus dire. Je montai Miss Rosemonde dans notre chambre, où je me mis à la déshabiller près du feu que Bessie avait entretenu. J'appelai mon petit agneau les plus doux noms et les plus gais que je pouvais imaginer, et cependant j'étais presque aveuglé par les larmes. À la fin, oh, à la fin, elle ouvrit ses grands yeux bleus. Alors je la mis dans le petit lit bien chaud, et j'envoyai Dorothée prévenir Miss Furnival que nous l'avions retrouvée et que tout allait bien. Je résolus de passer la nuit entière à côté du lit de ma petite. Elle tomba dans un profond sommeil, aussitôt que sa jolie tête eut touché l'oreiller, et je la veillai jusqu'au matin. Quand elle s'éveilla, son visage était aussi frais, aussi clair que ses idées. Je le croyais, du moins alors. Et, mes chers amis, je le crois encore aujourd'hui. Elle me raconta qu'elle avait eu le désir d'aller près de Dorothée parce que les deux vieilles dames s'étaient endormies et qu'il faisait triste dans le salon. En traversant le corridor de l'ouest, elle avait aperçu, à travers la croisée élevée, la neige qui tombait à gros flocons. Cela lui avait donné le désir de voir la terre toute blanche, et elle était entrée pour cela dans la grande salle, où, s'approchant des croisées, elle avait vu en effet la terrasse couverte d'une neige éblouissante. Une petite fille lui était apparue, du même âge à peu près qu'elle. « Mais si jolie !» disait ma mignonne, « si jolie !» Et cette petite fille m'a fait signe de sortir, et elle avait l'air d'être si bonne que je ne pouvais lui refuser. Alors l'autre petite fille l'avait prise par la main, et elles avaient tourné toutes les deux le coin de l'aile orientale. « Vous êtes une méchante petite fille, » dis-je à Miss Rosemonde, « quand vous me contez des histoires. Que dirait votre chère maman, qui est au ciel et qui n'a jamais dit un mensonge de sa vie, si elle entendait sa petite Rosemonde raconter de pareils contes ?» « En vérité, Esther, dit en sanglotant ma petite lady, je vous dis la vérité, ne me dites pas cela. »« Non, c'est vous qui ne devez pas me dire cela, lui répondis-je d'un ton sévère. » « J'ai suivi la trace de vos pas sur la neige. On n'en voyait pas d'autres. Et si vous aviez tenu une petite fille par la main pour monter sur cette colline, n'aurait-elle pas laissé l'empreinte de ses pieds à côté des vôtres ?»« Mais ce n'est pas ma faute, chère Esther, dit-elle en pleurant. Si vous ne les avez pas vues, j'ai jamais regardé à ses pieds, mais elle tenait ma main serrée dans sa petite main, et elle était froide, très froide. » Elle m'a conduite en haut du chemin des Fells jusqu'au dehors. Là, j'ai vu une dame qui pleurait et poussait des sanglots. Mais dès qu'elle m'a vue, elle a cessé de pleurer. Elle m'a souri d'un air fier et noble, elle m'a pris sur ses genoux et a commencé à me bercer pour m'endormir. C'est là tout, Esther, mais c'est bien la vérité. Et ma chère maman le sait, dit-elle en fondant en larmes. Alors je pensais que l'enfant avait la fièvre, et je fis semblant de croire à son histoire, qu'elle me répéta maintes et maintes fois, sans y rien changer. À la fin, Dorothée frappa à la porte avec le déjeuner de Miss Rosemonde, et me dit que les vieilles dames étaient descendues dans la salle à manger, où elles désiraient me parler. La veille au soir, toutes les deux étaient montées dans notre chambre à coucher, mais trouvant la petite endormie, elles s'étaient contentées de la regarder sans me faire de questions. Je ne l'échapperai pas, pensais-je en moi-même, en traversant la galerie du nord, et pourtant, je reprenais courage car j'avais confié l'enfant à une garde. Elle seule était à blâmer de l'avoir laissée courir toute seule. J'entrai donc hardiment et je racontai toute l'histoire à Mr. Stark. Je la racontai aussi à Miss Furnival, en criant de toutes mes forces contre son oreille, mais quand je parlais de l'autre petite fille qui avait attiré Miss Rosemonde dehors dans la neige et l'avait conduite à la grande et belle dame près des houes, Miss Furnival jeta les bras en l'air, ses vieux bras amaigris, et s'écria « Oh, ciel, pardonne, ayez miséricorde, Seigneur !» Mr. Stark la retint dans son fauteuil assez rudement, à ce qu'il me parut. Mais Mr. Stark n'en était plus maîtresse, et Miss Furnival me parla d'un ton d'autorité, mêlé d'une étrange anxiété. « Esther, gardez-la bien, cet enfant l'entraînerait à la mort. Enfant de malheur, dites bien à Rosemonde qu'elle s'en défie, car c'est un enfant méchant et pervers. » Alors, Mr. Stark me fit sortir de la chambre à la salle à manger. Je n'étais pas fâché d'être dehors. Mais Miss Furnival continuait de crier « Oh, aie pitié de moi, me pardonneras-tu jamais? Il y a tant d'années !» Comme vous le pensez bien, mon esprit ne pouvait être en repos après cet événement. Je n'osais quitter Miss Rosemonde ni le jour ni la nuit. Ne pouvait-elle pas s'échapper de nouveau pour courir après quelque imagination? J'avais cru d'ailleurs m'apercevoir, d'après certaines bizarreries de Miss Furnival, qu'elle avait le cerveau dérangé. Je redoutais quelque chose de semblable pour ma chère petite, car cela, vous le savez, peut tenir de famille. Il ne cessait de geler à pierre fendre, et toutes les fois que la nuit était plus orageuse qu'à l'ordinaire, entre les bouffées de vent, nous entendions le vieux lord jouer du grand orgue. Mais, vieux lord ou non, partout où allait Miss Rosemonde, je la suivais, car mon amour pour elle, pauvre petite orpheline, était plus fort que ma peur de cette terrible musique. C'était à moi, d'ailleurs, de l'amuser et de la tenir en gaieté, comme il convenait à son âge. Nous jouions donc ensemble, nous courions ensemble, par-ci, par-là, partout, car je n'osais jamais la perdre de vue dans cette grande et solitaire demeure. Un certain après-midi, peu de jours avant Noël, nous jouions toutes les deux sur le tapis du billard dans la grande salle. Nous ne savions pas le jeu, bien entendu, mais elle aimait à faire rouler les 12 billes d'ivoire avec ses petites mains, et j'aimais à faire tout ce qu'elle faisait. Peu à peu, sans que nous y prissions garde, il commença à faire noir dans la salle, quoiqu'il fît clair encore en plein air. Je songeais à la reconduire dans notre chambre, quand tout à coup elle s'écria « Regarde, Esther, regarde, voilà encore ma pauvre petite fille dehors dans la neige !» Je me tournai vers les longues et étroites croisées, et là, je vis, comme je vous vois, une petite fille, moins grande que Miss Rosemonde, habillée tout autrement qu'elle l'aurait dit, l'être pour sortir par une si rude soirée, pleurant et tapant contre les carreaux de vitre, comme si elle voulait qu'on la laissât entrer. Elle semblait sangloter, et Miss Rosemonde, n'y pouvant plus tenir, courait à la porte pour l'ouvrir, quand, tout à coup et tout près de nous, le grand orgue retentit comme un tonnerre. Je tremblais tout de bon, et avec d'autant plus de raison que, dans le calme d'une si forte gelée, je n'avais pas entendu le son des petites mains tapant sur les vitres, quoique l'enfant fantôme semblât y mettre toute sa force. je l'avais vu aussi crier et pleurer, sans que le moindre son parvînt à mon oreille. Je ne sais si je remarquais tout cela dans le moment même, tant les sons du grand orgue m'avaient frappé de terreur. Mais ce que je sais, c'est que je saisis ma petite Miss Rosemonde dans mes bras au moment où elle l'avançait vers la porte et que je l'emportais malgré ses cris et ses efforts pour m'échapper dans la grande et claire cuisine où Dorothée et Agnès éminçaient les viandes pour faire des pâtés. « Qu'y a-t-il, ma petite belle ?» s'écria Dorothée en voyant Miss Rosemonde sangloter dans mes bras comme si son cœur allait se briser. « Elle n'a pas voulu, » répondit cette chère enfant, « me laisser ouvrir la porte pour faire entrer ma pauvre petite fille, qui mourra bien sûrement s'il reste dehors toute la nuit sur les fels. Cruelle, méchante Esther !» Et en parlant ainsi, elle me battait de ses petites mains. Mais elle aurait pu frapper bien plus fort, car j'avais vu sur le visage de Dorothée une expression d'épouvante mortelle qui glaçait mon sang dans mes veines. « Fermez la porte de l'arrière-cuisine, mettez bien le verrou, » dit-elle à Agnès, et sans en dire davantage, elle me donna des raisins et des amandes pour apaiser Miss Rosemonde. Mais ma petite lady sanglotait toujours en pensant à la petite fille restée dans la neige, et elle ne voulait toucher à aucune friandise. Je m'estimais bien heureuse quand elle se fut enfin endormie, en pleurant dans son lit. Alors, je descendis tout doucement dans la cuisine, où je dis à Dorothée que ma résolution était prise, et que j'emmènerai ma chère petite dans la maison de mon père à Appletreat, où si nous vivions humblement, nous vivrions au moins en paix. Je lui dis encore que j'étais déjà bien assez effrayé par le vieux lord quand il jouait de l'orgue. Maintenant, j'avais vu de mes vieux l'étrange petite fille dont les pieds ne laissaient pas d'empreinte sur la neige. Je l'avais vue habillée comme aucun enfant ne pouvait l'être dans le voisinage, pleurant, criant et frappant sur les vitres, mais sans faire entendre aucun bruit, aucun son. J'avais même aperçu, sur son épaule droite, car elle avait les épaules et les bras nus, malgré la rigueur du froid, une blessure toute noire. Miss Rosemonde avait reconnu en elle l'enfant fantôme, qui, comme Dorothée le savait bien, avait failli l'entraîner à sa perte. Ah, c'était plus que je n'en pouvais supporter. À ce récit, je vis Dorothée changer de couleur plusieurs fois. « Je ne crois pas, me dit-elle, qu'on vous laisse emmener Miss Rosemonde, puisqu'elle est la pupille de Milord, et que vous n'avez aucun droit sur elle. » Dorothée me demanda ensuite si je pourrais me résoudre à quitter l'enfant dont j'étais si folle, pour de vains sons et des visions qui, en définitive, ne pouvaient faire aucun mal et auxquels ils avaient dû s'habituer, chacun à leur tour. J'avais la tête montée, je tremblais presque de colère. Je lui dis qu'il était bien aisé à elle de parler ainsi, à elle qui savait ce que signifiait cette musique et ses prétendues visions, et qui avait eu peut-être quelque chose à démêler avec l'enfant fantôme de son vivant. Ainsi provoquée, Dorothée finit par tout me dire, et alors j'aurais voulu qu'elle ne m'eût rien dit, car je fus plus effrayé que jamais. Elle me dit donc qu'elle avait entendu raconter cette lugubre histoire par des vieillards des environs dans le commencement de son mariage. Alors on venait encore au château qui n'avait pas sa mauvaise réputation d'aujourd'hui. Après tout, elle ne pouvait dire si c'était vrai ou faux, mais voici ce qu'on répétait. Le vieux lord qui jouait de l'orgue était le père de Miss Furnival, ou plutôt de Miss Grace, comme l'appelait Dorothée, car Miss Maud, étant l'aînée, portait de droit le titre de Miss Furnival. Le vieux lord était dévoré d'orgueil. Jamais on ne vit, jamais on n'entendit parler d'un homme aussi fier, et ses filles étaient comme lui. Personne ne leur semblait assez bon pour devenir leur mari. Cependant, le choix ne leur manquait pas, car c'étaient les plus grandes beautés de leur temps, comme j'avais pu le voir par leurs portraits dans le salon de cérémonie. « Mais, dit le vieux proverbe, l'orgueil aura sa chute. Ces deux beautés aux hautaines devinrent amoureuses du même homme, et ce n'était qu'un musicien étranger amené de Londres par leur père pour faire de la musique avec lui dans son manoir. Par-dessus toute chose, l'orgueil de famille excepté, le vieux lord aimait la musique. Il en était fou et savait jouer de presque tous les instruments. Mais cela n'avait à adoucir en rien son caractère farouche. Le fier et dur vieillard avait fait, dit-on, mourir sa femme de chagrin. Il appela donc près de lui un étranger qui faisait de la musique si harmonieuse que les oiseaux mêmes sur les arbres suspendaient leurs chants pour l'écouter. Par degrés, le nouveau venu s'empara si bien de l'esprit du vieux lord que celui-ci le rappelait chaque année à Furnival. Ce fut lui qui fit venir l'orgue de Hollande et qui l'installa dans la grande salle où il était encore de mon temps. Il apprit au vieux seigneur à en jouer, mais bien des fois, lorsque Lord Furnival ne pensait qu'à son bel orgue et aux accords qu'il en tirait, l'étranger au teint brun et aux cheveux noirs se promenait dans les bois avec l'une des jeunes dames, tantôt avec Miss Maud, tantôt avec Miss Grace. Miss Maud, pour son malheur, finit par remporter le prix. Ils se marièrent secrètement, et avant la prochaine visite annuelle de l'étranger, elle donna le jour à une petite fille dans une ferme au milieu des bruyères, tandis que son père et Miss Grace la croyaient aux courses de Doncastle. Maintenant épouse et mère, son caractère ne s'adoucit pas le moins du monde. Elle resta tout aussi hautaine, tout aussi passionnée que jamais, et peut-être davantage, car elle était jalouse de Miss Grace, à qui le musicien étranger faisait une cour assidue pour détourner les soupçons, disait-il. Mais Miss Grace, triomphante avec affectation de sa victoire apparente sur Miss Maud, celle-ci s'exaspérait de plus en plus contre son mari et contre sa sœur. Il était facile au premier de secouer un joug qui lui devenait désagréable et de chercher dans les pays étrangers un refuge contre la jalousie des deux sœurs. Alors il partit cet été-là, un mois avant l'époque habituelle de son départ, en donnant à entendre qu'il pourrait bien ne pas revenir. Dans l'intervalle, la petite fille fut laissée à la ferme et sa mère avait l'habitude de faire seller son cheval et de galoper au loin sur les collines, en apparence sans aucun but, mais en réalité pour voir son enfant une fois au moins par semaine, car lorsqu'elle aimait, elle aimait bien, comme elle ne savait pas haïr à demi. Le vieux lord continuait de jouer de son orgue, et les serviteurs pensaient que la musique avait fini par adoucir son redoutable caractère, dont toujours, au dire de Dorothée, on racontait de bien terribles histoires. Il devint infirme et fut obligé de se servir d'une béquille pour marcher. Son fils aîné, le père de Lord Furnival actuel, était alors avec l'armée en Amérique, et l'autre fils en mer, en sorte que Miss Maud faisait à peu près à sa mode et de jour en jour, il y avait plus de froideur et d'amertume entre elle et Miss Grace. Elles finirent par se parler à peine, si ce n'est en présence du vieux lord. Le musicien étranger revint encore l'été suivant, mais ce fut la dernière fois, car avec leur jalousie et leur colère, les deux sœurs lui faisaient mener une telle vie qu'il s'enlaça. Il partit donc et n'en entendit plus parler. Miss Maud, qui avait toujours eu l'intention de faire connaître son mariage quand son père serait mort, se voyait maintenant abandonnée avec un enfant qu'elle n'osait avouer, mais dont elle était folle, redoutant son père, haïssant sa sœur et forcée de vivre avec eux. L'été suivant se passe donc sans qu'on vît reparaître l'étranger. Miss Maud et Miss Grace, devenues tristes et sombres toutes les deux, étaient aussi belles que jamais, mais il y avait quelque chose d'égaré dans leur regard. Peu à peu, cependant, le front de Miss Maud s'éclaircit. Son père, dont les infirmités augmentaient toujours, se laissait de plus en plus absorber par sa musique. Miss Grace et sa sœur vivaient presque à part, occupant des appartements séparés, Miss Grace dans l'aile occidentale, Miss Maud dans l'aile orientale, les chambres mêmes qu'on avait depuis condamnées. Cette dernière crut donc pouvoir prendre sa fille avec elle sans que personne n'en sût rien, excepté ceux qui n'oseraient en parler et seraient tenus de croire, sur sa parole, que c'était l'enfant d'une villageoise pour lequel elle avait pris un caprice. Tout cela, disait Dorothée, était assez bien connu, mais personne ne savait ce qui était arrivé ensuite, si ce n'est Miss Grace et Mistress Stark, qui, attachées de ce temps-là à sa personne comme femme de chambre, étaient beaucoup plus son amie que sa propre sœur. Mais, d'après certains mots échappés çà et là, les domestiques supposaient que Miss Maud s'était vantée à Miss Grace de son triomphe. Elle avait aisément convaincu que le musicien étranger s'était joué d'elle avec son amour prétendu, puisqu'il en avait épousé une autre en secret. À dater de ce jour, les joues et les lèvres de Miss Grace perdirent leur éclat. On l'entendit souvent répéter qu'elle se vengerait tôt ou tard. Mistress Stark, de son côté, ne cessait d'épier ce qui se passait dans les appartements de l'aile orientale. Par une affreuse nuit, juste après le nouvel an, la terre était déjà couverte d'une neige épaisse et profonde, et les flocons tombaient encore assez vite pour aveugler ce qui pouvait être dehors. Tout à coup, on entendit un grand bruit, un violent tumulte, et la voix du vieux lord qui dominait tout se répandait en invectives et en malédictions. On entendit aussi les cris d'un petit enfant, le hautain des filles d'une femme irritée, le son d'un coup sourd et suivi d'un silence de mort, puis des pleurs et des gémissements qui finirent par s'éteindre sur la colline. Alors, le vieux lord appela tous ses serviteurs. Il leur dit, avec de terribles serments et des menaces plus terribles encore, que sa fille, l'ayant déshonorée, il l'avait chassée de sa maison, elle et son enfant, et que si quelqu'un d'entre eux osait leur prêter secours, leur donner de la nourriture ou un abri, il prierait Dieu de l'exclure à jamais du paradis. Pendant tout ce temps-là, Miss Grace tenait à côté de son père, pâle et immobile comme la pierre, et quand il eut fini, elle poussa un grand soupir, comme si elle se sentait soulagée d'une grande crainte, et comme pour dire que son œuvre était faite, son but accompli. Le vieux lord ne toucha plus à son orgue et mourut dans l'année. Cela n'a rien d'étonnant, et sans doute le remords le tua, car le lendemain de cette sombre et cruelle nuit, les bergers, descendant les fells, trouvèrent Miss Maud assise, avec le rire de la folie, sous les houes, et caressant un enfant mort, qui avait sur l'épaule droite une horrible meurtrissure. Mais ce ne fut pas elle qui tua l'enfant. D'après ce que disait Dorothée, ce furent le froid et la gelée. Toutes les bêtes sauvages étaient renfermées dans leurs trous et tous les animaux domestiques dans leurs étables, à l'heure où la mère et l'enfant furent chassés du manoir et réduits à errer sur les fells. « Maintenant, vous savez tout, » ajouta Dorothée, « et je serais bien étonné si vous étiez moins effrayé que moi. » J'étais plus effrayé que jamais, mais je lui dis que je ne l'étais pas. J'aurais voulu nous voir à jamais dehors, Miss Rosemonde et moi, de cette horrible maison. Cependant, je ne voulais pas quitter ma chère enfant, et je n'osais l'emmener avec moi. Oh, comme je la surveillais, comme je faisais bonne garde autour d'elle. Nous mettions tous les verrous des portes et nous fermions les volets une heure au moins avant qu'il fît nuit, de peur de les laisser ouverts 5 minutes trop tard. Mais ma petite lady entendait toujours la fatale petite fille pleurant et gémissant. Et tout ce que nous pouvions faire ou dire ne l'empêchait pas de vouloir aller vers l'enfant fantôme pour le mettre à l'abri de la neige et du vent. Durant tout ce temps, je me tenais le plus éloigné possible de Miss Furnival et de Mistress Stark, car elles me faisaient peur aussi. Il n'y avait rien de bon à gagner près d'elles, avec leurs sombres et durs visages, leurs yeux distraits et hagards, regardant toujours dans les années sinistres du passé. Malgré mon effroi, j'avais une sorte de pitié pour Miss Furnival. Les gens descendus dans la fosse ne peuvent avoir un aspect plus désolé que celui qui était toujours empreint sur son visage. À la fin, je me sentis ému de tant de pitié pour cette vieille dame qui ne disait jamais un mot sans qu'il lui fût arraché, que je priai Dieu pour elle. J'appris à Miss Rosemonde à prier aussi pour une personne qui avait fait un péché mortel. Mais au moment où ma chère petite arrivait à ces mots, elle prêtait souvent l'oreille et quittait sa position agenouillée pour me dire « Esther, j'entends ma petite fille qui pleure et se plaint si tristement. Oh, laisse-la entrer, ou elle mourra. » Une nuit, justement après l'arrivée tant attendue du nouvel an, et lorsque le pire d'un long hiver était passé, je l'espérais du moins, j'entendis la sonnette du salon occidental sonner 3 fois, ce qui était le signal particulier pour moi. Je ne voulais pas laisser Miss Rosemonde toute seule, quoiqu'elle fût endormie, car le vieux lord avait joué avec plus de force que jamais, et je craignais que ma mignonne ne se réveillât pour entendre l'enfant fantôme. Quant à le voir, c'était impossible. J'avais trop bien fermé les fenêtres pour cela. Je la pris donc hors de son lit, l'enveloppai dans les premiers vêtements qui me tombèrent sous la main, et je la portai dans le salon, où je trouvai les 2 vieilles dames travaillant selon leur habitude à leur tapisserie. Elles levèrent les yeux au moment où j'entrai, et Mr. Stark me demanda d'un air fort étonné « Pourquoi j'apportais Miss Rosemonde, qui serait beaucoup mieux dans son lit bien chaud ?»« Parce que, commençai-je à murmurer, j'avais peur qu'elle ne cédât à la tentation de sortir pendant mon absence, pour suivre l'enfant dans la neige. Mais Miss Stark m'arrêta court par un clin d'œil significatif et me dit que Miss Furnival avait besoin de moi pour défaire un ouvrage qu'elle avait mal fait et que ni l'une ni l'autre ne savait dépiquer à cause de leurs mauvais yeux. Je déposai ma mignonne sur le sofa et je m'assis près des deux vieilles sur un tabouret. Le vent, qui commençait à mugir, rendait mon cœur plus dur pour elles en songeant au mal dont elles avaient été cause. Cependant, Miss Rosemonde dormait du meilleur cœur. Miss Furnival ne disait mot. Elle ne regardait jamais autour d'elle quand les bouffées du vent ébranlaient les fenêtres. Mais soudain, elle se dressa de toute sa hauteur et leva une des mains comme pour nous faire signe d'écouter. « J'entends des voix, » dit-elle, « j'entends des cris terribles, j'entends la voix de mon père. » Dans le même instant, ma chérie se réveilla comme en sursaut. « Ma petite fille pleure, » dit-elle, « oh, comme elle pleure !» Et elle essaya de se lever pour aller à elle. Mais ses pieds se prirent dans la couverture et je l'enlevai dans mes bras car ma chair commençait à se crisper en songeant au bruit que l'on entendait tandis que je ne pourrais saisir aucun son. Mais au bout d'une minute ou deux, le bruit se rapprocha, grandit et remplit nos oreilles. Nous entendîmes aussi des voix et des cris et le vent d'hiver qui mugissait dehors se tut soudainement. Mistress Stark me regarda, et je la regardai, mais nous n'osions parler. Tout à coup, Miss Furnival s'avança vers la porte du salon, passa dans l'antichambre, traversa le corridor de l'ouest et ouvrit la porte qui donnait dans la grande salle. Mr. Stark la suivit, et je n'osais rester derrière, quoique l'épouvante empêcha presque mon cœur de battre. J'enveloppai bien ma chère enfant, je la serrai dans mes bras, et je marchai derrière les vieilles dames. Dans la salle, les cris étaient plus forts que jamais. Ils semblaient venir de l'aile orientale et s'approchaient de plus en plus des deux portes qui restaient constamment fermées. Alors, je remarquai que le grand lustre de bronze était tout allumé, quoique la salle fût pleine d'ombre, et qu'un grand feu brûlait dans la vaste cheminée sans répandre aucune chaleur. Je frissonnai d'horreur, et je serrai de toutes mes forces Miss Rosemonde contre ma poitrine. En ce moment, la porte orientale semblait ébranlée sur ses gonds, et ma chérie, luttant pour se dégager de mes bras, s'écriait de toutes ses forces « Esther, laisse-moi aller. Ma pauvre petite est là, je l'entends. Elle vient. Esther, laisse-moi aller. » C'était le moment de la bien tenir. Je serais plutôt morte que de lâcher prise, tant ma résolution était forte. Miss Furnival écoutait et entendait malgré sa surdité habituelle. Ni l'une ni l'autre des vieilles dames ne prenaient garde à Rosemonde, qui m'avait forcé de la mettre à terre. Mais, agenouillée devant elle, je tenais sa ceinture enlacée dans mes deux bras, tandis qu'elle continuait de pleurer et de lutter pour m'échapper. Tout à coup, la porte orientale s'ouvrit avec un bruit de tonnerre, comme si elle fléchissait sous un furieux effort, et l'on vit apparaître, dans une vague et mystérieuse clarté, l'effigie d'un grand vieillard en cheveux blancs et dont les yeux étincelaient. Il chassait devant lui, avec des gestes d'implacable haine, une femme d'une grande beauté et au regard fier qu'un petit enfant tenait par sa robe. « Oh, Esther, Esther !» criait Miss Rosemonde. « C'est la dame qui était sous les houes !» Et ma petite est avec elle, Esther. Esther, laisse-moi aller. Elle m'attire près d'elle. Je le sens, je le sens. Laisse-moi aller. Ses efforts pour m'échapper la faisaient presque tomber en convulsions, mais je la tenais de plus en plus serrée, au point d'avoir peur de lui faire mal. Mieux valait courir ce risque que la laisser entraîner par ces terribles fantômes. Ils avançaient toujours vers la porte de la grande salle où les vents hurlaient comme des loups qui attendent leur proie. Tout à coup, la dame se retourna et je vis qu'elle lançait au vieillard un hautain défi. Mais presque au même moment, tout son corps frémit d'épouvante. Elle étendit les bras d'un air égaré et suppliant pour garantir son enfant, son petit enfant, d'un coup de la béquille que le vieux lord tenait levé. Miss Rosemonde, entraînée par une puissance surnaturelle, continuait de se tordre dans mes bras et de sangloter, mais je sentais ses forces faiblir et je la laissais crier. « Elles veulent que j'aille avec elles sur les fells. Elles m'attirent à elles. Oh, ma petite fille, je viendrai si la méchante, la cruelle Esther ne me retenait de force. » Enfin, quand elle vit la béquille levée sur l'enfant, elle s'évanouit et j'en rendis grâce à Dieu. Au moment où le grand vieillard, dont les cheveux flottaient comme sous le vent d'une fournaise, allait frapper la pauvre petite toute tremblante, Miss Furnival, la vieille dame que j'avais à mes côtés, s'écriait d'un ton lamentable « oh mon père, épargnez cette pauvre enfant !» Mais alors même, je vis, nous vîmes tous, un autre fantôme se détacher de la lumière bleue et vague qui remplissait la salle. C'était une autre dame qui se tenait debout près du vieillard avec un regard de cruelle rancune et de mépris triomphant. Sa beauté était remarquable, ses lèvres rouges et dédaigneuses. Un chapeau de castor blanc ornée d'une longue plume, couvrait son front altier. Elle portait une robe de satin bleu ouverte sur la poitrine. Mais j'avais déjà vu cette figure. C'était la ressemblance de Miss Furnival dans sa jeunesse. Les fantômes continuaient de se mouvoir vers la porte de la grande salle sans prendre garde aux ardentes supplications de la vieille Miss Furnival. Et quand la béquille que brandissait le vieux lord tomba sur l'épaule droite de l'enfant, la sérénité de marbre de la cruelle jeune fille n'en parut pas même altérée. Soudain, ces lumières étranges qui ne dissipaient pas les ténèbres, ce feu qui ne répandait aucune chaleur, s'éteignirent d'eux-mêmes. Et nous vîmes la vieille Miss Furnival gisant à nos pieds, mortellement frappée. On la porta dans son lit, d'où elle ne devait pas se relever. Durant son agonie, elle tenait son regard tourné vers la muraille, murmurant tout bas, mais ne cessant de murmurer. « Hélas, hélas !» La vieillesse ne peut réparer le mal qu'a fait la jeunesse. Non, jamais on ne peut la réparer.